بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد رأينا بالأمس أقوال العلماء في حكم الصلاة مع الجماعة. Nous avons vu hier les différents avis des savants concernant le jugement de la prière commune. فالقول الأول قول الظاهرية. Qui me rappelle l'avis de الظاهرية? Mais le cours d'avant était là. Et on avait cité le cours de الظاهرية. Wajib, là. Là. Là. الظاهرية, là. Ils disent شرط. C'est une condition. Al-Zahiriya, ils disent que si tu ne pries pas à la mosquée, ta prière est caduque. Ça, c'est Al-Zahiriya. On a cité la preuve, on a répliqué à cela. Al-Qawlu Thani, Qawlu Jumhur. Sunnah. La vue de l'imam. Malik. Abu Hanifa. Et Shafi'i fi riwaya. Voilà. Shafi'i dans une des deux versions de l'imam Shafi'i. Taïb. Troisième avis. C'est l'avis de l'imam Shafi'i, c'est son deuxième avis. Non. Fard kifaya. Obligation communautaire. Si certaines personnes l'accomplissent, les autres ne sont pas pécheurs. Et le quatrième avis, l'avis de l'imam Ahmed, c'est wajib. Wa dhakarna adillata hadhihi al-aqwal illa qawl al-imam Ahmed. Et donc on a cité les avis de, on a cité les preuves de chacun de ces avis. Sauf l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. فَمِنْ أَدِلَّتِهِ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. Si tu es avec eux et que tu accomplis la prière, alors qu'un groupe d'entre eux l'accomplisse avec toi, qu'un groupe d'entre eux se tienne debout avec toi et qu'ils prennent leurs armes, et s'ils se prosternent, alors qu'ils soient derrière vous, c'est-à-dire les autres, ceux qui ne sont pas donc dans la prière, lorsque vous vous prosternez, les autres sont derrière vous. Puis, que vienne un autre groupe qui n'ont pas prié et qu'ils prient avec toi. Et donc, les musulmans ne se retrouvent pas en même temps en train de prier. Il y a l'imam, il va faire deux rakat. Le premier groupe, il fait une rakat avec l'imam. Le deuxième groupe, ils sont debout. Ils ne font pas la rakat avec l'imam, mais ils gardent. Lorsqu'ils ont fini de faire la première rakat et que l'imam il se lève pour faire la deuxième, le deuxième groupe, il rentre. Et donc, chaque groupe a fait une raka'a. L'imam, il en a fait deux. Ça, c'est quelle prière? Salatul Khawf. La prière de la peur. Et donc, parmi les preuves de l'imam Ahmed montrant que la prière commune est obligatoire, il y a cette prière-là. Il dit, « Anna Allah tabaraka wa ta'ala awjaba ala al-mu'minin salata jama'atan fi hal al-khawf, fi hal al-harb. Fama baluna fi hal al-amn. » Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a rendu la prière obligatoire en groupe alors qu'ils sont en situation de guerre, de peur. Et donc que dire lorsqu'on est en situation de sécurité? Tu es ici à Villerue, tranquille, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Et donc dans ce cas, aussi c'est obligatoire. Wa kadhalika min adillatihim qawlullahi tabaraka wa ta'ala wa aqimu salat wa atu zakat. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. L'inclinaison, al-rukur. Allah, les savants disent, Allah tabaraka wa ta'ala, ici, il a cité al-rukur. Le rukur, c'est une partie de la prière. Ce qui est voulu par là, c'est toute la prière. Ma'arraki'in. Et donc, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Fil jama'a. Fil jama'a. Et ils disent, هذا أمر من الله تبارك وتعالى. Ceci est un ordre. Wa min al-qawa'id al-fiqhiyya, parmi les règles de la jurisprudence, anna al-amr yufid al-wujub. Que la base, c'est que l'ordre implique une obligation. Quand tu vois un ordre dans les textes de la législation, la base, c'est que c'est une obligation. Sauf s'il y a un élément qui montre par la suite que ce n'est pas obligatoire. وكذلك من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رأيناه بالأمس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Et donc parmi leurs preuves, il y a aussi le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, qu'on a vu hier dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « J'ai fermement eu l'intention d'ordonner l'accomplissement de la prière, puis d'ordonner à un homme de diriger la prière. » Donc il prie avec les gens, c'est-à-dire qu'il dirige la prière. « Puis que je parte avec des hommes qui auront avec eux des piles de bois. » Des piles de bois vers des gens qui ne participent pas à la prière. Donc des gens qui ne participent pas à la prière commune. Et alors, je brûlerai leur maison avec le feu. Je brûlerai leur maison avec le feu. قالوا هذا الحديث من أقوى الأدلة على وجوب الصلاة في الجماعة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة مع المسلمين ومن المعلوم أنه لا عقوبة على ترك أمر مستحب. Et donc ils ont dit que ce hadith fait partie des plus fortes preuves montrant le caractère obligatoire de la prière commune. Et cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la ferme intention de brûler les maisons de ceux qui ne participent pas à la prière commune avec les musulmans. Et certes, il est connu qu'il n'y a pas de sanction pour un acte qui est recommandé. Il n'y a pas de sanction pour un acte qui est recommandé. Un acte qui est recommandé, si tu ne le fais pas, il n'y a pas de sanction. C'est quoi la définition de mustahab? La définition de mustahab, on avait donné. Hein? T'as pas de péché. On avait dit. Hein? Celui qui le fait pour Allah est récompensé. Et celui qui le délaisse ne mérite pas d'être châtié. D'accord? Il l'a délaissé, c'est mustahab. Là ici, ce hadith montre que cet acte, la prière commune, c'est pas mustahab. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu les punir. Wa ujiba an hadha بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل. Et donc, les autres savants, ceux qui voient que c'est une sunna, la prière commune, ils se sont opposés à cette argumentation. Et ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu brûler les maisons, mais qu'il ne l'a pas fait. Et donc, vu qu'il ne l'a pas fait, c'est que c'est recommandé. فأجابوا عن هذا الاعتراض بأن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق البيوت هو وجود الذين لا يلزمهم حضور الجماعة كالنساء والصبيان كما ذكر في بعض الروايات. Et donc, ceux qui voient que la prière commune elle est obligatoire, ils ont répondu à cette contre-argumentation. Ils ont répondu à cela en disant que ce qui a empêché au prophète sallallahu alayhi wa sallam de brûler les maisons de ceux qui ne participent pas à la prière commune, c'est le fait qu'il y a dans la maison des personnes à qui la prière commune n'est pas obligatoire, telles que les femmes, et les enfants, et d'autres, des animaux ou autres. Comme cela a été cité dans une des narrations du hadith. Et donc, ils disent, et donc ce hadith-là, il montre que c'est obligatoire. وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُعَاقِبَ مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍ. Et certains savants, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il est permis au gouverneur de punir celui qui délaisse la prière commune sans excuse légiférée. وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَيْضًا قَوْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ كَمَا رَأَيْنَا بِالْأَمْسِ لَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. Et parmi les preuves aussi, il y a la parole d'Ibn Mas'ud dans le recueil de Muslim, As-Sahih, qu'on a vu hier, Ibn Mas'ud qui dit, et si vous priez dans vos maisons, comme le fait celui qui délaisse la prière commune et qui prie chez lui, alors vous allez délaisser la sunna de votre prophète. La sunna ici, ça veut dire quoi? Parce que souvent les gens, ils entendent sunna, pour eux, ça veut dire sunna mustahab. Sunna mustahab, sunna mustahab. Non. Quand tu regardes sunna, par exemple, ou sous le sunna de l'imam Ahmed, est-ce que ça veut dire les fondements de ce qui est mustahab? Non. Il te cite la sunna, la guidée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La guidée de la législation, la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Ibn Mas'ud, il nous dit, à ce moment-là, vous allez délaisser la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'edolel toum, vous allez vous égarer. Celui qui délaisse la prière commune, il va s'égarer. Et donc, les savants, ils ont dit, ceci aussi est une preuve montrant le caractère obligatoire de la prière commune. Wa kadhalika min adillatihim ma akhrajahu al-imamu Ahmad fil musnad an Ubay ibn Ka'b. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال شاهد فلان فقالوا لا قال شاهد فلان قالوا لا قال شاهد فلان فقالوا لا قال إن أثقل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء أو العشاء والصبح ولو يعلمون ما فيهما. Et donc parmi leurs preuves aussi, il y a le hadith rapporté dans le recueil de l'imam Ahmed, selon Ubay ibn Ka'b, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière du Fajr, puis il a dit, est-ce qu'un tel est présent? Ils dirent non. Est-ce qu'un tel est présent? Ils dirent non. Est-ce qu'un tel est présent? Ils dirent non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes la prière la plus difficile pour les hypocrites, certes les prières les plus difficiles pour les hypocrites sont les prières du Isha et du Sobh. Et s'ils savaient ce qu'il y a dans l'accomplissement de celles-ci, ils y seraient venus même en rampant. Wa min adillatihim aidan ma akhrajahu muslimun fi sahihihi an abi hurayra radiyallahu anhu qala أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم فقال أجب. Et parmi leurs preuves, il y a aussi le hadith qu'a cité l'imam Muslim dans son recueil authentique selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que un homme aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, je n'ai personne pour m'amener à la mosquée. Alors, le rapporteur, il dit, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam une permission afin qu'il puisse prier chez lui. Il est aveugle. Il n'a personne pour l'amener à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lui a donc donné cette permission. Il lui a donné cette permission. Puis lorsque l'homme s'en est allé, le prophète il l'a appelé et lui a demandé, est-ce que tu entends l'appel à la prière? Il a dit oui. Le prophète lui a dit, alors réponds. Alors réponds. Tu réponds à l'appel à la prière. Tu vas à la mosquée. فهذا الحديث أيها الإخوة قوي جدا في بيان وجوب الصلاة في الجماعة من وجهين. Ce hadith est très fort dans le fait de montrer le caractère obligatoire de la participation à la prière commune à la mosquée, et cela de deux façons. Premièrement, الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى أن يصلي في بيته فكيف بغيره. Premièrement, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné la permission à un homme aveugle de prier chez lui. Alors que dire de ceux qui ne sont pas dans cette situation, de ceux qui ne sont pas aveugles? Wal ba'd qad yasta'rib min wujubi salati fil masjidi 'ala al-a'ma. Wa fil haqiqa la 'ajaba fi dhalik. Fa innaka tara في الطرقات وفي الأسواق رجال عمياء يشترون أشياءهم في الأسواق فإن كان الرجل يستطيع أن يذهب إلى السوق فما الذي يمنعه من الصلاة في المسجد. Et donc certaines personnes peuvent être surprises du fait que la prière soit imposée à un homme aveugle, la prière à la mosquée. Mais il n'y a rien de surprenant en cela en réalité. On voit aujourd'hui des hommes dans la rue, certains qui traversent la rue, ils sont aveugles, ils vont faire leurs courses. Ils arrivent à se débrouiller pour leurs besoins. Et donc s'ils arrivent à faire tout cela, qu'est-ce qui les empêche de venir à la mosquée pour prier? Qu'est-ce qui les empêche donc de venir à la mosquée pour prier? Al-wajhu thani an-narawi lil-hadith. Qala إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في البيت وهذا يدلنا على أن المتقرر عند الصحابة أن الصلاة واجبة في المسجد فإن لم تكن الصلاة واجبة في المسجد فلماذا يريد رخصة إن لم تكن الصلاة واجبة. Et donc le deuxième point, c'est que le rapporteur dans ce hadith, il signale que l'homme, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de pouvoir prier chez lui. Et cela nous montre que ce qui était connu chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la prière, elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que si la prière, elle n'était pas obligatoire, pourquoi est-ce qu'il demande la permission de prier à la maison? Si c'est pas obligatoire, tu pries chez toi, c'est fini. T'as pas besoin de demander la permission. Mais là, il est allé demander la permission. Pourquoi? Parce qu'il savait, c'était connu chez eux, que la prière, elle est obligatoire à la mosquée. فهذه الأدلة كلها قوية في بيان وجوب الصلاة في الجماعة. Et donc, toutes ces preuves qu'on a vues, elles sont fortes dans le fait de montrer le caractère obligatoire de la participation de la prière commune à la mosquée. طيب. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les autres preuves qu'on a vues hier, qui montrent que c'est mustahab, qui montrent que c'est recommandé? Et donc, comment est-ce qu'on va argumenter, ou du moins contre-argumenter par rapport aux preuves qu'on a citées hier? Fa'amma al-hadith salatul jama'a tafdulu salat al-fadhi bi 27 daraja. En ce qui concerne le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière commune est 27 fois meilleure que la prière de celui qui l'accomplit seul. On a dit que ce hadith montre que c'est recommandé. Pourquoi? Parce que ce hadith affirme اثبت فضيلة لصلاة المنفرد. Et donc ce hadith-là, il va affirmer donc des mérites pour la prière de celui qui est seul. Mais par contre, celui qui prie à la mosquée, c'est 27 fois mieux. Mais celui qui prie seul, ce hadith-là, il montre qu'il y a des mérites pour celui qui prie seul aussi. Mais par contre, celui qui prie en commun, 27 fois mieux. La réponse à cela. Qala al-ulama inna sifat aw sirat at-tafdil la tadullu ala ithbati fadlin li ahadil amrayn. Les savants, ils disent que La comparaison qu'on fait entre deux choses et l'une est plus que l'autre, meilleure que l'autre, ou plus belle que l'autre, ou autre. Cela, cette comparaison-là ne va pas montrer que une des deux choses a forcément des mérites. Lorsqu'on dit que telle chose est meilleure que l'autre, ça ne veut pas dire que les deux choses, elles ont forcément des mérites. Il se peut qu'une chose a des mérites et que l'autre, pas du tout. Parmi les exemples qui montrent cela clairement dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Ashabul jannati yawma idhin khayru mustakarra wa ahsanu maqila » Les gens du paradis, ce jour-là, seront dans un meilleur refuge et un plus beau lieu de repos. Un meilleur refuge et un plus beau lieu de repos. Est-ce qu'on va dire que l'enfer, c'est quand même un beau lieu de repos ? Ou un bon refuge, mais que le paradis, c'est mieux ? Personne ne va dire ça. Personne ne va dire ça. Et donc, il se peut qu'on compare deux choses et qu'on dise qu'une, elle est mieux que l'autre. Ça ne veut pas forcément dire que l'autre, elle est bien. Parce que souvent, quand on entend ça, telle chose est mieux que l'autre. Souvent, on comprend donc les deux sont bien, mais ça, c'est mieux. Non, il se peut que quand on dit dans la langue arabe telle chose est mieux que l'autre, est meilleure que l'autre, qu'il y en a une qui est vraiment bien et l'autre qui n'est pas bien du tout. Comme on l'a cité donc dans ce verset. Et donc, on ne peut pas utiliser ça comme argument. Les muhaddithines, les savants du hadith, parfois, ils vont comparer deux hadiths. Les deux hadiths sont faibles. Les deux hadiths sont faibles. Et ils vont venir, ils vont dire « Wa hadha asahhu min hadha ». Celui-là est plus authentique que celui-là. Mais les deux, ils sont faibles. Ça veut pas dire, quand il te dit « Celui-là est plus authentique que celui-là », ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est authentique. Ça veut dire « Celui-là, il est moins faible que celui-là ». Et donc, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on a une comparaison que ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose qui est bien. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi, lakana khayran lahum ». Si seulement ils avaient fait ce qui leur avait été demandé, cela aurait été mieux pour eux. Est-ce que ça veut dire que s'ils n'avaient pas fait ce qui leur a été demandé, c'est quand même bien, mais c'est pas mieux ? Non, pas du tout. C'est mal. Le fait que quelqu'un désobéisse à Allah Azzawajal, c'est mal. Et donc, ce verset-là nous montre aussi que lorsqu'on compare deux choses, ça ne veut pas forcément dire que les deux choses sont bien, mais qu'il y en a une qui est meilleure. Il se peut qu'il y en a une qui est bien et que l'autre qui est totalement mauvaise. D'accord ? Et donc, ça nous montre que le hadith qu'ils ont utilisé pour dire que la prière à la mosquée, elle est recommandée, cette preuve, on ne peut pas l'utiliser. Maintenant, ça veut dire ça pour rendre leur argument. Pour caduque. Voilà, exactement. C'est bon ? Alhamdulillah. Inch'Allah. Donc, le deuxième point, le deuxième hadith. On avait vu un hadith aussi. L'histoire des deux hommes qui avaient prié chez eux. Ensuite, ils sont venus à la mosquée. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala lahum ma mana'akuma an tusalliya fi ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous ? Ils ont dit sallayna fi rihalina ya Rasulallah. Nous avons prié chez nous, nous avons prié dans nos demeures au messager d'Allah. Les savants, ils ont dit, donc les savants qui voient que c'est recommandé la prière commune. Ils ont dit ici, « Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yunkir alayhim kawnahuma sallaya firrihal. » Le prophète, il ne leur a pas reproché d'avoir prié dans leur demeure. Comment on répond à cela ? Jaa fi riwaya kama fi sunan al-nasai anna hadha kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam salla subh fi masjid al-khayf. Al-Hajj. Et donc, c'est où ? C'est le Hajj. C'est à Mina. Et ça, c'était à Mina. Wa qalat al-ulama lam yazal al-muslimun yusalluna fi Mina fi rihalihim ila yawmina hadha. Les savants disent que c'est pas une preuve. Pourquoi ? Parce que les musulmans, ils n'ont cessé à Mina. Ils ne cessent jusqu'à nos jours, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, à Mina, les musulmans, ils prient dans leurs tentes. Ils prient dans les tentes, dans les hôtels, etc. quand ils sont tous les musulmans à Mina, tous ceux qui vont faire le hajj, ils sont tous à Mina, ils vont tous rentrer dans la mosquée? Impossible. Impossible. Et donc, ils prient donc dans les tentes, dans les hôtels, etc., etc. Et donc ça, on ne peut pas utiliser ce hadith comme preuve pour dire que la prière à la mosquée est recommandée. Et donc, voilà par rapport à cette divergence concernant donc le caractère obligatoire de l'accomplissement de la prière à la mosquée. On a cité les avis avec les preuves. Walqawlu ar-rajih, l'avis le plus juste est qu'il est obligatoire d'accomplir la prière commune à la mosquée. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde une science profitable. Une science profitable, une science avec laquelle on œuvre. Une science avec laquelle on œuvre. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.